Ok les mecs, on va se chanter maintenant une chanson que vous connaissez bien, c'est X-Shock. Transmutation. Planète qui fleurit dans le système Mushi Alpha. Il s'appelle Jean-Claude Tsushida et il vit à Little Tokyo. Il parcourt la Terre à bord de son X-Rider pour sauver la Terre des méchants. Transformation. Attention, allez comme ça va, je suis pas le bon. À vous. C'est un super robot X-Shock. Et on est en nouveau de leader. Allez avec moi X-Shock. Attention, deuxième bouteille. Il garde la justice chez nous. Et puis même un peu plus courageux d'un arc-en-ciel. Et au matin, sur terre, sur mer, dans le ciel. Vivons la justice à coups de microblasters pour sauver la Terre des méchants. Transmutation. Mais c'est le rappel du grand. Ils sont pas chers, tu vois. Merci, John. X-Shock. C'est un super robot. X-Shock. Et on est en niveau de leader. X-Shock.